Voici d'abord 12 poèmes extraits du recueil intitulé « Le sanglot de la terre », écrit de 1878 à 1883.